Au moment de traverser un pont, un homme voit un écriteau indiquant « Ce pont ne peut supporter qu'une personne à la fois. » L'homme, rassuré, traverse, mais arrivé au milieu, le pont craque et s'effondre. Dans sa chute, l'homme aperçoit en dessous du pont un deuxième écriteau indiquant cette fois « Un homme averti en vaut deux ».